Al-Qaïda menace la France. Je ne fais là que reprendre le titre d'un récent ouvrage d'Antoine Sfère, directeur des Cahiers de l'Orient, l'un des meilleurs connaisseurs de l'islamisme, un homme habituellement peu enclin à exagérer, et qui n'a pas hésité à illustrer la couverture de son livre par un photomontage montrant un avion percutant la tour Eiffel. Alors, faut-il avoir peur? Un attentat terroriste perpétré par les élateurs de Ben Laden est-il déjà programmé et quand frappera-t-il notre territoire? Pour ce faire, mais aussi pour bon nombre de spécialistes du terrorisme, notre engagement militaire en Afghanistan accroît la menace. Et la France, malgré son refus de participer à la guerre de George Bush en Irak, demeure une cible. C'est d'ailleurs ce qu'a déclaré récemment le numéro 2 d'Al-Qaïda, le docteur Al-Zawahiri. Mais c'est essentiellement la montée en puissance de l'autre côté de la Méditerranée, du GSPC, le groupe salafiste pour la prédication et le combat, qui inquiète. Un mouvement terroriste qui se présente aujourd'hui comme une branche d'Al-Qaïda et qui aurait adopté un nouveau nom, Al-Qaïda Maghreb islamique. Mais j'emploie le conditionnel à dessein car ce rapprochement n'est avéré que par des textes de propagande. C'est en tout cas le GSPC, qui a frappé le 11 avril dernier au cœur d'Alger et qui, selon la police, préparait des opérations suicides au Maroc. Alors, assiste-t-on à une unification des groupes terroristes au Maghreb et plus largement dans le Sahel, qui risquerait de devenir, au dire des Américains, un nouvel Afghanistan? Toutefois, il convient, c'est l'avis de M. X, de demeurer prudent. Les services secrets algériens sont en effet des experts en manipulation et les appétits des États-Unis pour les ressources pétrolières et gazières de la région ne doivent pas être négligés. Dans un instant, M. X essaie d'y voir plus clair. Tout d'abord un chiffre. Selon des sources policières françaises, depuis le 11 septembre 2001, une douzaine de tentatives d'attentats a été déjouées chaque année. En France, c'est énorme, hein? En effet, oui, mais c'est pas un hasard quand même. Si c'est à Paris qu'a été installée une structure internationale qui rassemble des représentants de la plupart des grands services de renseignement occidentaux. Une structure où, naturellement, la CIA occupe une place de premier plan. Je crois me souvenir que c'est un journaliste de France Info, Franck Cognard, qui a révélé l'existence de cette multinationale du renseignement. C'est parfaitement exact. Alors, bien sûr, il faut se méfier, ou plutôt se défier d'une quelconque psychose, mais la menace est bien réelle. Et là, alors, vous voulez parler de ce fameux GSPC, qui serait maintenant inféodé à Al-Qaïda. Ah, mais attention, je vous ai déjà dit que l'organisation de Ben Laden n'était nullement centralisée. C'est une nébuleuse à laquelle s'agrègent des mouvements armés, des mouvements franchisés qui se réclament d'Al-Qaïda pour de pures raisons de propagande. Ouais, pour se mettre en valeur, en somme. Oui. Et puis pour susciter la peur, c'est certain. Mais il faut bien comprendre que lorsque des bombes éclatent à Madrid ou à Casablanca, l'ordre n'est pas venu de Ben Laden. Il y a quand même des similitudes entre les méthodes traditionnelles d'Al-Qaïda et celles qui ont été utilisées dans les dernières opérations terroristes perpétrées au Maghreb. Les voitures piégées, oui. Les attentats suicides et les martyrs. Mm-hmm. Certes, mais ça ne suffit pas à désigner précisément Al-Qaïda. Malheureusement, ces méthodes se sont généralisées. Et bien, on le voit tous les jours, en Irak, dans la lutte sanglante que se livrent les extrémistes chiites et sunnites. En Afghanistan aussi, oui, maintenant. Enfin, revenant au GSPC qui n'a pas été créé par Al-Qaïda, comme certains spécialistes ou considéré comme tel l'affirment. Alors, comment est-il né? Pour bien comprendre, il faut remonter au GIA algérien. Le groupe islamique armé, c'est ça? Et en même temps, oui, ça nous donnera quelques clés pour décoder ce qui se passe en ce moment dans le Maghreb et le Sahel. Le point de départ, ce sont les élections législatives de 1991 en Algérie. Ouais. Élections dont le premier tour a été largement gagné par les islamistes du FIS, ce qui a conduit les militaires tout puissants depuis l'indépendance à annuler le deuxième tour et à déposer du même coup le président algérien Chadli Ben Jedid. Puis c'est le FIS qui est peu après dissous. Conséquence, certains de ces militants choisissent la clandestinité et l'action armée. Et c'est ainsi que va naître le GIA. Ou plutôt les GIA, car on assistera à la naissance de plusieurs organisations plus ou moins autonomes. Puis il y a aussi le bras armé du FIS, l'AIS, L'armée islamique du salut. Ah, étonnez, la différence là, avec les GIA. Ben, en principe, l'AIS refuse de s'en prendre aux civils et aux étrangers. Mm-hmm. Et qui sont ces militants alors qu'ils vont commettre d'innombrables exactions, hein? Innombrables, oui. Car cette sale guerre qui va durer plusieurs années fera entre 150 000 et 200 000 morts. Alors les militants, eh bien, ils sont d'origine très diverse. Il y a d'abord ces types qu'on appelle les Afghans. Parce qu'ils ont combattu les Soviétiques en Afghanistan. C'est ça, oui, les fous de Dieu qui vont exploiter la situation sociale, le chômage, la pauvreté. Et puis toute une frange de marginaux, de petits voyous va les rejoindre. Mais il ne faut pas oublier, nous en avons parlé il y a 3 ou 4 ans, que ces islamistes ont été manipulés par ces mêmes militaires qui vont maintenant les combattre. Ouais, un petit rappel quand même. Bon, l'armée, après avoir tout fait pour que les islamistes gagnent les élections, va se donner le beau rôle en évitant au pays de devenir un nouvel Iran. Et en Occident, à part quelques exceptions, on approuve. Car même si on n'a guère de sympathie pour les généraux qui ont interrompu le processus électoral, on respire. Le danger islamiste faisait très peur. Oui, mais il me semble me souvenir, moi, que François Mitterrand a fait la fine bouche. Oui, en fait, il a été très très prudent. Il a condamné l'intervention des militaires, ce qui a suscité la fureur des généraux. Mais dans le même temps, le président français a déclaré comprendre leur motivation. La France va donc, objectivement, soutenir les généraux, en refusant par exemple de réduire l'aide économique à l'Algérie. C'est donc, soyons clairs, c'est donc une sorte de coup d'État qui a été perpétré. Les généraux ont gagné, mais en se servant du fils pour accroître leur pouvoir, ils ont ouvert la boîte de Pandore et déclenché un cycle infernal. Ouais, c'est l'horreur des massacres de civils. Mais en attendant, il y a la parenthèse Boudiaf. Je résume. Ces militaires qui détiennent tous les leviers du pouvoir politique, militaire et économique, préfèrent demeurer dans l'ombre. Il leur faut un paravent civil qu'ils pourront manipuler. Un homme qui leur permettra de continuer à percevoir de substantielles commissions sur les importations de biens, les affaires immobilières et, bien entendu, le pétrole. Ouais, c'est donc Boudiaf qu'ils vont choisir. Un personnage emblématique, puisqu'il a été l'un des pionniers du combat contre la colonisation. Et surtout, il a un avantage énorme sur les autres candidats possibles. Il vit depuis de longues années à l'étranger, au Maroc exactement. Il faut me rappeler pourquoi c'est un avantage. Les généraux estiment qu'il est coupé de la réalité algérienne et donc qu'il ne sera pas en mesure de s'occuper de leurs affaires. C'est-à-dire qu'il ne sera pas susceptible de comprendre le système mafieux qui a été mis en place. Et voilà. Mais la nouvelle marionnette va rapidement échapper à ses créateurs. Boudiaf n'est pas n'importe qui. Et il n'est pas décidé à s'en laisser compter. Rapidement, et malgré la surveillance constante dont il est l'objet, il donne d'inquiétants signes d'indépendance. Pire, il dénonce publiquement la corruption, commande une enquête, fait arrêter un important trafiquant lié à un général, et limoge un autre officier supérieur, membre de la clique. Bref, Boudiaf devient très gênant. Mais je crois me souvenir que les officiers qui ont entrepris d'enquêter sur la corruption seront abattus. Hein. Et on mettra leur assassinat sur le compte des islamistes. Ah oui, pratique ça. Et on finira par éliminer Boudiaf lui-même. Oui, fin juin 92, soit à peine 6 mois après son retour en Algérie. Oui. C'est un obscur sous-lieutenant qui l'a là-bas. Un militaire de la direction de la sécurité militaire qui a été manipulé lui aussi et qui sera bien sûr accusé d'être un islamiste enragé. Mais pour vous, c'est clair, hein, ce sont les généraux qui sont derrière. C'est évident. Et à partir de là, on assiste à une folle course en avant. Civils, policiers, militaires sont indifféremment pris pour cible par le GIA. Et autant vous le dire, ça arrange le pouvoir. Pour quelle raison, là ? Bah, y en a plusieurs. D'abord, ça permet de diaboliser les islamistes. Et donc, de justifier la politique de répression menée par les forces de l'ordre. Ensuite, les horreurs perpétrées par le GIA font qu'à l'étranger, on est enclin à soutenir les généraux. La deuxième raison est plus machiavélique. L'existence du ou des GIA permet de se débarrasser d'éléments généraux. Ah oui, alors, lorsqu'on veut éliminer un opposant, bon, on met ça sur le compte du GIA. Ah bah, c'est très pratique. La troisième raison est encore plus cynique. Les généraux mettent en avant leur lutte contre le terrorisme pour rester au pouvoir et mettre le pays en coupe réglée, au nom de la lutte contre l'intégrisme. Alors, si je vous entends bien, ils sont donc tentés de prolonger ce conflit ? Bah forcément. Parce qu'il est quand même difficile d'expliquer comment l'armée, qui est puissamment équipée et qui dispose du matériel le plus performant, entre nous grâce à la France,

en assume la responsabilité. Zitouni, l'homme qui sera aussi à l'origine de l'assassinat des 7 moines de Tibérine en 1996, et puis de bien d'autres massacres encore. Mais je me souviens que vous m'avez dit que ce type-là, Zitouni, était vraiment vraisemblablement manipulé par les services algériens. Ce n'était pas le seul. Alors, revenons un instant sur ces terribles attentats de 1995. Notamment sur ce jeune délinquant de la région lyonnaise. Les enquêteurs trouvent des documents qui permettent non seulement de prévenir d'autres attentats, mais aussi de remonter la piste des autres membres du réseau. C'est ainsi que Boualem Ben Saïd et Ali Belkacem, deux des dirigeants de ce réseau du GIA en France, vont finir par être arrêtés à l'automne 95. Mais un homme a échappé à la police. Et qui alors ? Un nommé Ali Tichent, qui se fait aussi appeler Tarek. Un homme qui était sans doute le véritable chef de réseau et qui était en contact direct avec les commanditaires des attentats. Les vrais commanditaires. La population immigrée en France serait-elle un vivier pour les terroristes ? Et qu'en est-il des relations des jeunes des cités et des mouvements tels que les GIA ? J'ai trouvé une réponse dans un autre livre d'Antoine Sfer, Les réseaux d'Allah. Après une opération militaire en Algérie, les terroristes recherchés et traqués par les militaires quittent le pays pour l'Europe, explique Larbi, un Français de la Courneuve. Étudiant en sciences sociales, il a été approché par le GIA en 1994 pour, entre guillemets, transporter des paquets jusqu'à Lille. Il a fait quelques transports dans le Nord, en région parisienne, à Colombes et à Lyon. Je remettais les paquets à des gens que je ne connaissais pas. En Algérie, il dispose de filières d'exfiltration mises au point et rodées depuis 6 ans. En Europe, ils sont accueillis par des amis, militants de longue date, avec lesquels ils sont restés en contact. L'ami en question est blanc comme neige. En aucune manière, il ne se mouille. En France, commence un travail d'approche qui se fait généralement autour des mosquées ou des centres islamiques. Il n'est pas question de recruter des jeunes des cités, dit Larbi. Lorsque cela arrive, c'est une erreur, due le plus souvent à une initiative personnelle. Les jeunes des cités délinquants recyclés dans le djihad sont plutôt recrutés pour un coup, un attentat en France. Pour les amis de Larbi, la cible de choix est un homme au-delà de 25 ans, bon musulman, apparemment intégré dans la société française. L'idéal serait qu'il ait une situation sociale, un métier respectable, un scientifique de haut niveau. Le livre de Sfer a été publié en 2001 par les éditions Plan. Vous laissez planer un mystère, là, mais attendez, le commanditaire de ces attentats de 1995, c'est le GIA, non ? Apparemment, oui. Car c'est en cherchant vraiment qu'apparaissent les zones d'ombre. Le personnage de Tarek, par exemple. C'est loin d'être un inconnu pour la police française. En 1989, cet étudiant en architecture a déjà suscité la curiosité de la DST. Pourquoi ? Il a créé à Paris une section du FIS, mais on se contente d'avoir un œil sur lui. Oui, parce que le FIS était alors un parti légal en Algérie. C'est juste. Ouais. Cependant, la suite est étrange. Après un séjour dans son pays au moment des élections législatives, il revient en France où il ne cesse de voyager sous les identités les plus diverses. C'est déjà un militant clandestin. Ça y ressemble. Mmh. Mais écoutez. En 1993, lorsque Pasqua déclenche la première rafle dans les milieux islamistes, Tarek Tichent échappe miraculeusement à l'arrestation. Une autre fois encore, la même année, alors qu'il s'est caché dans un foyer d'immigrés, il parvient à s'enfuir. Ensuite, on le signale dans plusieurs pays européens où il est soupçonné de se livrer à des trafics d'armes. En faveur des maquis islamistes ? Probablement. Et à nouveau, il réussit à fuir à temps lorsque la police belge s'attaque à un réseau du GIA en mars 1995. Toutefois, la DST le suit à la trace. Mais l'homme est insaisissable. Et quand la police démantèle le réseau des poseurs de bombes de 1995, Tichent s'échappe à nouveau. Ça fait beaucoup, hein ? Alors, la première explication qui vient à l'esprit est que ce Tichent aurait pu être une taupe de nos services, les services français, je veux dire. Mm-hmm. Et qu'à chaque fois, il aurait été alerté à temps. Bon, vous n'êtes pas le premier à vous poser la question, mais la DST a nié avec la dernière énergie. Oui, je veux bien, mais enfin, mais si ce Tichent avait réellement été une taupe, la DST aurait pareillement nié. Hein. Oui, enfin, vous avez raison. Bon, enfin,